Chez moi, c'est comme en Barbarie. Il y a des disques sur le lit et des nuits de lecture, des pages d'écriture. Chez moi, c'est comme une tanière. Il y a des bols posés par terre et dans chaque cendrier, un livre inachevé. Mais chez elle, il y a des parfums qui rôdent. Les silences ont des yeux d'émeraude. Mais chez elle, il y a elle et voilà. Et c'est pour elle que je trahis chez moi. Mais chez elle, il y a des parfums qui rôdent. Et l'amour, on le sent qui maraude. Mais chez elle, je suis un autre moi. Et c'est chez elle que ça devient chez moi. Que ça devient chez moi. Chez moi, c'est presque nulle part. C'est un lit et un placard. Et les copains en naufrage s'y reposent au passage. Chez moi, c'est un peu partout. Le cœur entre chien et loup. Et bien, et fou, tellement fou. Mais chez elle, il y a des parfums qui rôdent. Les silences ont des yeux d'émeraude. Mais chez elle, il y a elle et voilà. Et c'est pour elle que je trahis chez moi. Mais chez elle, il y a des parfums qui rôdent. Et l'amour, on le sent qui maraude. Mais chez elle, je suis un autre moi. Et c'est chez elle que ça devient chez moi. Que ça devient chez moi. Mais chez elle, c'est une planète. Et je rêve assis sur la moquette. Mais chez elle, il y a elle d'abord. Et c'est pour elle que j'ai perdu le nord. Que j'ai perdu le nord.